Elle veut du bif de la coca, elle s'est prise pour l'eau qu'on veut des Zelda. Elle est belle mais elle côtoie le shaitan, elle veut me noyer dans un océan haram. Papa me fait tout le temps appel, il me dit qu'elle va t'envoûter devant ma lotte. Mais moi comme mes frères de Nia je l'aime, et j'espère mourir loin de ses péchés, Inch'Allah. Pensez dans la peine, on fait plus de bénéfices et moins de hasanat. J'pense à ce qui me fait la peine, et je me dis là, ramène les mains. Et quand ça arrivera mon heure, moi j'disparaîtrai mes femmes, mes erreurs. Et toutes mes peurs de ce monde ne sont rien face à mes peurs du créateur. Des fois je m'oublie, je perds la foi dans les tentations d'Iblis. Dans un hôtel Ibis, avec Chitana et une taille de 8-6. Je fais de la guerre à mon âme, et j'ai plus besoin de repentir ou de l'orée. Des fois je me blâme, est-ce toi Dunia ou c'est moi qui est mauvais. Je reste sans réponse et je me demande qui va me sauver. Je me vois dans mes songes et rends à tout jamais dans le mauvais. Cette culpabilité m'a séparé, mais je me dois de ses pas. Je m'en parle.